ce magasin monene et que des angos partout on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. Tambola na Europe, mobibae. So qui en commune à Katien Boussé. Tout na magasin, mon aîné. Y'a Fabrice. A Fungoli, Sikana XL, na rue Dublin, numéro 19, Pembenino Yakala. Soki en commune à Katia Fabrice, tout na papa Engels, na petit Franco, Bakola Kisayo, Baba Kose Asikai. Bakosayo te ba, Baba Kose Bele, et ton dit Fabrice. Fabrice magasin mon néné, et kende sango partout, bon à vacances. Fabrice magasin mon néné, et kende sango partout, bon à vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. Fabrice a mi pesi na bazai wama. Alo bimbongo a komi na yango ma. E wuti na bazai wa. Grâce à bazai wa, a komi lelo patron. Fabrice a boite. Koluka pato se pay mon sousou tema. Kende na Fabrice, a kosone la yo. Et la qui t'en code, on a ta bandi maillot. Ah, Fabrice magasin mon néné. Ma. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Fabrice, 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Petit Fabrice, on y'a Zala qui n'est l'eau qu'on t'aime. L'eau à Zali est si qu'il y a pas patron, y'en soit. Nanya Bungi Fabrice, ma, t'en vois Bandaki, à Zala qui moque. Et le montant yon sa kamwe yema. Fabrice a voyte à l'obima. Mbongo na ye outi na bazairoa ma. Soki bazairoa tema. Fabrice le lo a komi motote. Azali kokumi sa bazairoa ma. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. Soki o kotina ket ya Fabrice ma. Luka directeur Angels ma. Tuna lefteri ma. Tuna petit Franco ma. Bala kisa yo. Baba konsia sikai. Fabrice a sali estile ya ba jeune ma. Bona baba kos. Bala taka yangoy. Fabrice a kende sangoma. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon néné. Et kende sango partout, on a vacances. ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. Mon salagnon, so Fabrice, a salina 10 ans. Yango wana alakisi. Alobi grâce ya bazaiwa. Yango wana sali lisusu magasin monene ya Sipia. Fabrice a komi na ba grand moyen. Ba grand moyen. Ba grand moyen. Fabrice a zali koteka chemise, chaussures, ceinture. A sali ce style ya ba jeune pona ba kos. A zali koteka safari de la tête aux pieds. Vous rentrez chez Fabrice. Vous ressortez habillé et élégant. Fabrice, Fabrice, magasin Moussou et Zalité. Oh Fabrice, Abakos. Fabrice, magasin mon aîné. Les kendes sangon partout. Bon Abakos. Fabrice, magasin mon aîné. Les kendes sangon partout. Bon Abakos. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. Banana Bakulutu, ma. Ambassadeur, réunion somma. Pas fonctionnaire, réunion somma. Pas commerçant yon soma. Pas sali yon son amokirima. Soki olingi abakosma. Koluke pay mon sousou tema. Kende na Fabrice. Mboya. Ah. Fabrice magasin mon aîné. Et kende sango partout. On abakos. Fabrice magasin mon aîné, et kende sango partout, bon abakos. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Papa Engels, ma. La Gisanga Abakos, ma. Petit Franco, ma. La Gisanga Abakos, ma. Lefteri, ma. La Gisanga Abakos. Epa Yezali. Nameka Mezu. Nantala Soki Nabongi. Nalatana Bimai. Moi si Ali Ganga. Balami Palé, moi si Ambroisinga, on a la di Abakos, Abakos et à Fabrice, Mamma Mia. Est.